Alors, vous êtes toujours à l'antenne de CKRL et vous écoutez Futur Simple. Et nous allons commencer l'émission, en fait, par la revue de presse de l'actualité scientifique. Mais c'est pas ce que je viens de dire, ça, François. C'est non, pas effectivement, ce que je viens de dire. Donc, on a des petits changements d'horaire, effectivement. Petit changement de programme derrière minute. Donc, Valérie, alors, tu vas nous rapporter des nouvelles de l'Université Laval, je crois. Oui, c'est ça. Donc, la première nouvelle que je veux rapporter nous transporte en Gaspésie, tout au bout de l'île, à l'île Bonaventure. Il s'agit des travaux de Marie-Lou Bourdage et de Claude Lavoie, qui sont chercheurs à l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement rural. Peut-être que ce sont des collègues à notre chroniqueuse Geneviève Gay, parce qu'il me semble qu'elle est dans ce département aussi. Donc, en tout cas, ces deux chercheurs-là se sont intéressés à la conservation de la faune et de la flore dans le parc de l'île Bonaventure. Et ils ont publié leurs travaux récemment dans la revue Écoscience, ou peut-être que c'est une revue anglaise et qu'on devrait dire Ecoscience. Donc, le parc abrite une colonie de fous de bassin, on le sait. D'ailleurs, c'est pour cette raison que le parc a été créé, afin de protéger cette colonie de fous de bassin. Mais évidemment, ils ne sont pas les seuls sur l'île. Il y a d'autres résidents. Et pour connaître les plantes ou les animaux qui peuvent être présents sur les lieux, quels qu'ils soient d'ailleurs, que ce soit à l'île Bonaventure ou ailleurs, les biologistes ont l'habitude de faire des inventaires fauniques et floristiques. Donc c'est ce que ces deux chercheurs ont fait en 2008 et en 2007. Et ensuite, ils ont comparé leur inventaire avec des inventaires réalisés en 1997, mais ce n'est pas cette date-là, c'était en 1977 probablement, okay. Avant la création du parc. Et quel en était le résultat? Alors, il y avait sur l'île, à ce moment-là, 358 espèces. En 2008, il y en avait 361, donc trois espèces de plus. On peut se dire que le nombre d'espèces n'a pas vraiment changé. Mm-hmm. Mais en réalité, 21 espèces ont disparu, alors que 24 sont arrivées. Uh-huh. Donc, en fait, il y a eu un petit échange. Et si on regarde de plus près, parmi les nouvelles espèces arrivées, 10 sont des espèces indigènes, donc peut-être qu'ils n'habitaient pas très loin sur le continent puis qu'ils ont traversé le petit bras de mer. Uh-huh. Mais 14 sont des espèces exotiques. Donc ça, c'est un peu plus surprenant, en tout cas qui fait réfléchir un peu plus. Et bon, peut-être que ces 14 espèces ont été apportées par les visiteurs. Et c'est sûr que quand c'est un parc et que c'est un lieu quand même assez beau à aller visiter, il y a beaucoup de visiteurs qui passent par là, qui viennent peut-être... qui emportent peut-être des choses dans leur poche ou accrochées à leurs chaussures. Hein, ils ne sont pas forcément coupables. Donc c'est peut-être ce qui explique... l'introduction de nouvelles espèces, d'espèces exotiques. Mais l'arrivée de ces espèces exotiques, ça pose aussi la question de l'efficacité d'un parc à maintenir l'intégrité d'un écosystème. Oui, tout à fait. Et puis, manifestement, la fréquentation par les visiteurs modifie le milieu. Alors, les chercheurs sont intéressés à cette question-là, puis ils ont calculé le taux de disparition. Donc, ici, il y a 10 espèces qui ont disparu sur les 358 sur une période de 40 ans. Ça fait 6% de disparition. Donc, c'est quand même un chiffre significatif, mais c'est nettement moins que ce qui se passe dans les parcs urbains où le taux de disparition est entre 25 et 50%. Ah oui, c'est si élevé que ça. Oui, c'est vraiment élevé dans les parcs urbains. Bon, alors c'est étonnant. Tu avais une autre nouvelle de l'Université Laval, alors où est-ce que tu nous emmènes cette fois? Alors cette fois, on va rester à Québec, mais on va faire encore un petit saut dans le temps. En 2009, au moment de l'épidémie de grippe H1N1. Alors, c'était vraiment exactement il y a 2 ans. Et on se souvient de la campagne de vaccination et des polémiques, catastrophe d'une épidémie annoncée qui n'a pas vraiment eu lieu. En tout cas, ça a fait couler beaucoup d'encre et, dans les médias. Le bilan, en tout cas, fait quand même état de 13 500 cas confirmés, 3 064 hospitalisations, dont 466 aux soins intensifs. Et 109 décès. Alors, je ne sais pas comment ça se compare par rapport à la grippe saisonnière. On avait dit en 2009, la grippe H1N1 n'est pas comme la grippe saisonnière. Elle ne frappe pas les mêmes personnes. En particulier, elle frappe les adolescents, des jeunes. Il y avait un petit peu un côté un peu plus aléatoire que la grippe saisonnière qui frappe plutôt les personnes âgées, par exemple. Alors, des chercheurs de la faculté de médecine à l'Université Laval et de l'Institut national de santé publique ont examiné les risques en fonction de l'âge, donc les risques effectivement d'être frappés par ce virus-là, en fonction de l'âge. Et ils viennent de publier leurs résultats dans la revue Influenza and Other Respiratory Viruses. Et ils ont comparé des personnes infectées par le virus et hospitalisées avec des personnes infectées mais non hospitalisées, parce que leur état ne le justifiait pas. Et les personnes hospitalisées étaient des jeunes enfants de moins de 5 ans, des personnes atteintes de maladies chroniques, et celles qui avaient attendu trop longtemps avant de consulter un médecin. Par contre, les décès se sont surtout concerné les personnes âgées de plus de 60 ans qui n'avaient pas forcément été hospitalisées et des personnes atteintes qui avaient un système immunitaire affaibli. Et aucun des enfants de moins de 5 ans qui avaient été hospitalisés n'est décédé. Et en fait, ce qui se passait, selon les chercheurs, c'est que les enfants étaient frappés plus souvent que... Donc, on mettait l'emphase un petit peu sur les enfants. Ils étaient frappés plus souvent par le virus, mais de façon moins sévère. Alors que les personnes âgées étaient frappées peut-être moins souvent, donc a priori on pensait qu'ils étaient protégés, mais par contre ils étaient beaucoup moins aptes à résister, parce que bon, généralement ils ont quand même un état de santé un peu plus fragile. Donc finalement les chercheurs concluent à une sur-hospitalisation des jeunes enfants et une sous-hospitalisation des personnes âgées, et que les facteurs de risque finalement pour la grippe AH1N1 et de la grippe saisonnière sont relativement semblables. D'accord. Donc tout ça, après coup, 2 ans. Donc à l'époque, on s'inquiétait beaucoup, les jeunes sont à risque, etc. Puis en fait, on s'aperçoit qu'en bout de ligne, c'était relativement semblable. On va continuer avec notre revue de presse. Donc cette fois-ci, je vais voir les nouvelles que François nous a trouvées. Donc François, des chercheurs auraient franchi les premiers pas dans le développement de lentilles cornéennes ou, si vous voulez, de verres de contact numérique. C'est intriguant, ça. Oui, effectivement, dans une étude publiée par le Journal of Micro Mechanics and Micro Engineering, une équipe présente le premier verre de contact informatisé capable d'afficher de l'information sur demande. À l'heure actuelle, le verre ne contient qu'un seul pixel. Mais les chercheurs voient cela comme une preuve de concept ouvrant la voie à la production de lentilles cornéennes avec plusieurs centaines de pixels qui pourront éventuellement afficher des courriels ou encore des messages courts juste devant les yeux. Les lentilles pourraient aussi, superposer des informations générées par un ordinateur sur l'environnement visuel de l'utilisateur. Elles pourraient être utilisées pour des jeux vidéo, ou des systèmes de navigation. Elles pourraient également être liées à des biocapteurs dans le corps de l'utilisateur, puis afficher des renseignements en temps réel sur le taux de sucre dans le sang, par exemple. Alors, le prototype inachevé, créé par les chercheurs de l'Université de Washington et l'Université de Aalto en Finlande, se compose d'une antenne qui permet de recevoir des signaux envoyés par une source externe, ainsi que d'un circuit intégré qui permet de stocker de l'énergie et de la transférer à une puce transparente contenant, une seule dalle bleue. Et donc, c'est bien beau de créer un dispositif qui projette des diapositives, en quelque sorte, à la surface d'un verre de contact. Mais comment l'œil fera-t-il pour les lire à si courte vue? On ne peut pas faire le focus sur une lentille comme ça. Non, c'est ça. Une lentille cornéenne, c'est impossible. Alors, c'est justement le problème majeur que les chercheurs ont dû surmonter. L'œil humain, comme tu l'as dit, avec sa distance focale minimale de plusieurs centimètres, ne peut pas voir distinctement des objets qui s'affichent sur une lentille cornéenne. Alors, toutes les informations projetées apparaîtraient en fait trop floues pour être lisible. Alors, pour trouver une solution à ce problème, les chercheurs ont intégré une série de lentilles de Fresnel dans le dispositif pour focaliser l'image qui sera projetée sur la rétine. Et malgré tout cet attirail, il sera similaire à une lentille cornéenne traditionnelle. De plus, les premiers tests réalisés sur des lapins ont prouvé l'innocuité du système. Et le reste du système, lui, il est au point? Alors, selon Babak Praviz, un des auteurs de l'étude, il resterait maintenant à améliorer la conception de l'antenne et le réseau associé et d'optimiser la fréquence de transmission. Leur prochain objectif sera d'incorporer un texte prédéterminé sur le verre de contact, conclut le chercheur. Bon, ben merci François.